La lecture du soir sur la radio des bons coups. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona et Louison. Bonsoir à tous et bienvenue sur la radio des bons coups. Vous êtes ici pour la bonne lecture du soir. Nous nous approchons dangereusement de la fin de notre livre Christmas Pudding d'Agatha Christie. Notre ami Hercule Poirot a enfin résolu le mystère du meurtre de Sir Robin. Le coupable, je vous le donne en mille, n'était autre que son neveu, Monsieur Charles Leverson. Et on va voir la suite, ensemble, avec le chapitre 12. L'inspecteur détective Miller n'aimait pas particulièrement Monsieur Hercule Poirot. Il ne faisait pas partie du groupe des inspecteurs du Yard qui accueillait avec joie la collaboration du petit Belge. Il répétait volontiers que la valeur d'Hercule Poirot était bien surfaite. Dans l'affaire de Mon Repos, il était assez content de lui-même, et c'est donc avec très bonne humeur qu'il reçut Hercule Poirot. « Alors, il paraît que vous travaillez pour Lady Astwell, c'est la course à la chimère. Il n'y a vraiment aucun doute sur l'affaire ?»« Aucun. Je n'ai jamais vu d'enquête plus simple, à moins de prendre le meurtrier sur le fait. Dois-je comprendre que M. Leverson a fait des aveux ?» Il aurait mieux fait de se taire. Il répète indéfiniment qu'il est monté tout droit dans sa chambre et qu'il n'a pas vu son oncle. Son histoire ne tient pas debout. Il semble en effet nier l'évidence, murmura Poirot. Quelle impression vous a-t-il faite, ce jeune Leverson ? C'est un petit serin. Un caractère faible, n'est-ce pas ? L'inspecteur acquiesça. On a peine à croire qu'un garçon comme lui ait eu assez de cran pour commettre un crime pareil. Je peux pourtant vous assurer que j'ai déjà rencontré souvent des cas comme le sien. Prenez un jeune homme faible, léger, poussez-le à bout, donnez-lui un peu trop d'alcool, et pendant un laps de temps limité, vous en ferez un matamor. Un homme faible qui se croit acculé est plus dangereux qu'un brave. C'est très vrai ce que vous dites là. Miller se dégela un peu. Pour vous, monsieur Poirot, tout ça est parfait, dit-il. Vous toucherez toujours vos honoraires. Il faut évidemment que vous ayez l'air de faire des investigations pour donner satisfaction à Lady Astwell. Je suis le premier à le comprendre. Tiens, dit Poirot, vous comprenez des choses aussi intéressantes que celles-là. Et il prit congé de Miller. Il alla ensuite voir l'avoué qui représentait Charles Leverson, Monsieur Mayou. C'était un homme maigre, sec et prudent. Il reçut Poirot avec réserve. Mais le petit Belge savait comment s'y prendre pour provoquer les confidences. En moins de 10 minutes, M. Mayou était en confiance et les deux hommes causaient amicalement. Vous comprenez, dit Poirot, j'agis uniquement pour le compte de M. Charles Leverson. C'est le désir de Lady Astwell. Elle est convaincue qu'il n'est pas coupable. Rien ne dit que demain elle ne sera pas convaincue du contraire, dit sèchement l'homme de loi. Il est certain que ses intuitions ne sont pas des preuves, et, au premier abord, ce malheureux jeune homme paraît en être bien mauvaise posture. C'est dommage qu'il ait parlé à la police comme il l'a fait. Ça ne l'avance à rien de se cramponner à son histoire. S'y est-il cramponné avec vous ? Demanda Poirot. Oui, dit Mayou. Et il n'y change jamais un mot. Il la répète, comme un perroquet. Et c'est cela qui vous enlève votre confiance en lui ? Ne me dites pas le contraire. Au fond, vous le croyez coupable. Mais écoutez-moi, dit Poirot. Je vous soumets une version des faits qui me paraît acceptable. Ce jeune homme rentre chez son oncle, il a bu cocktail sur cocktail, et sans doute plusieurs whisky and soda. Il est plein de ce courage factice que procure l'alcool. C'est dans cet état qu'il rentre à Mon Repos et monte en titubant l'escalier qui conduit à la salle de la tour. Il entr'ouvre la porte et voit dans la lumière circonscrite de la lampe du bureau son oncle apparemment penché sur sa table de travail. Monsieur Leverson est, comme nous venons de le dire, sous l'influence de l'alcool. Il ne se retient pas et dit à son oncle tout ce qu'il a sur le cœur. Il le défie, il l'insulte. L'oncle ne dit toujours rien. Lui se sent de plus en plus de force pour continuer. Il se répète et redit indéfiniment les mêmes choses, et chaque fois un peu plus fort. Enfin, le silence de Sir Robin éveille en lui une certaine inquiétude. Il s'approche de lui, pose la main sur son épaule, et sous cette légère pression, le corps de celui-ci s'écroule sur le sol. Le fauteuil tombe avec fracas. Il est aussitôt dégrisé, le petit Leverson. Il se penche sur Sir Robin et il comprend ce qui est arrivé. et regarde sa main couverte d'un liquide rouge et tiède. Il est terrorisé et donnerait n'importe quoi pour retenir le cri qui vient de lui échapper et dont il croit entendre l'écho à travers toute la maison. Machinalement, il relève le fauteuil puis se hâte vers la porte. Écoute, croit entendre du bruit et automatiquement, il fait comme s'il parlait à Sœur Reuben par la porte ouverte. Le bruit ne se renouvelle pas, il est persuadé qu'il s'est trompé. Tout est silencieux, il se glisse jusque dans sa chambre et il lui vient à l'esprit qu'il ne peut rien faire de mieux que de prétendre n'être jamais entré chez son oncle cette nuit-là. Et il raconte son histoire de cette façon. Rappelez-vous qu'à ce moment-là, personne n'avait pas encore parlé de ce qu'il avait entendu. Quand il l'a fait, il était trop tard pour que Leverson modifie sa déclaration. Il est sot, obstiné et s'y tient mordicus. Dites-moi, monsieur Maillot, si, à votre avis, cela n'est pas possible ? Si, dit l'avoué. Je pense que, de la façon dont vous le présentez, c'est possible. Poirot se leva. Vous avez le privilège de voir monsieur Leverson, dit-il. Racontez-lui ce que je viens de vous raconter et demandez-lui si ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées. En sortant du cabinet de l'avoué, Poirot héla un taxi. 348 Harley Street, dit-il au chauffeur. Lady Astwell était restée stupéfaite du brusque départ de Poirot pour Londres, car le petit homme ne lui avait rien dit de ses projets. À son retour, après une absence de 24 heures, Parsons l'avertit que Lady Astwell désirait le voir immédiatement. Il trouva la dame dans son boudoir, étendue sur le divan et soutenue par des coussins. Elle avait l'air hagard, les traits décomposés, beaucoup plus encore qu'à l'arrivée du détective. Vous voilà revenu, monsieur Poirot. Je suis revenu, madame. Vous êtes allé à Londres ? Oui, madame. Vous ne m'avez pas dit que vous y alliez, dit-elle d'un ton acerbe. Je m'excuse infiniment, madame. Je reconnais ma faute. J'aurais dû vous prévenir. La prochaine fois... Et elle lui coupa la parole. Vous ferez la même chose, dit-elle non sans un certain humour. Faire ce qu'on veut et prévenir ensuite, c'est votre devise, il me semble. C'est peut-être aussi la vôtre, madame, dit Poirot avec un regard malicieux. Elle l'admit. De temps en temps, peut-être. Pourquoi êtes-vous allé à Londres ? Vous pouvez me le dire maintenant, j'imagine. J'ai eu une entrevue avec l'excellent inspecteur Miller et une autre avec ce bon monsieur Maillot. Lady Astwell scruta le visage de son interlocuteur. Elle dit lentement « Et vous pensez maintenant ?» « Que l'innocence de monsieur Leverson entre peut-être dans le domaine des possibilités, » dit gravement Poirot, les yeux fixés sur Lady Astwell. « Ah ! J'avais donc raison. » « J'ai dit « les possibilités, » Lady Astwell. Rien de plus. » Elle parut frappée par le ton qu'avait pris Poirot. Elle posa sur lui un regard aigu et demanda « Puis-je faire quelque chose ? Oui, madame. Vous pouvez me dire pourquoi vous soupçonnez Owen Trefusis ? Je vous l'ai dit, je sais. Voilà tout. Ça ne suffit pas, malheureusement, dit Poirot. Reportez-vous en pensée à la terrible soirée, madame. Rappelez-vous les détails, les moindres faits. Qu'avez-vous remarqué ou observé qui concerne le secrétaire de Sœur Reuben ? Je vous le dis, moi, Hercule Poirot, il y a certainement eu quelque chose. Lady Astwell secoua la tête. C'est à peine si je me suis aperçue de sa présence, et je ne lui ai certainement pas accordé une pensée, dit-elle. Votre esprit était absorbé par autre chose ? Oui. Par l'animosité de votre mari contre Miss Margrave ? C'est vrai, mais vous paraissez être bien au courant de tout ça, monsieur Poirot. Moi, je sais toujours tout, déclara le petit homme avec une supériorité un peu ridicule. J'aime beaucoup Lily, monsieur Poirot. Vous vous en êtes sûrement aperçu. Reuben a commencé à faire des histoires à propos de ses références. Je ne dis pas qu'elle n'avait pas un peu triché, remarquez-le. Elle l'avait fait. Mon Dieu, j'ai fait bien pire dans ma jeunesse. Ce qu'il faut se débrouiller et connaître de trucs extraordinaires avec les directeurs de théâtre. J'aurais fait, j'aurais dit, j'aurais écrit n'importe quoi à ce moment-là. Lily tenait à cet emploi et elle n'a pas hésité devant certains moyens qui n'étaient peut-être pas tout à fait réguliers, vous comprenez ? Les hommes sont idiots pour ces choses-là. Lily eût été employée dans une banque, elle lui a manipulé des millions qui n'auraient pas fait plus de foin. J'en étais terriblement préoccupée ce soir-là. D'habitude, je finissais toujours par convaincre Reuben. Mais par moments, il était comme un âne, le pauvre chéri. De sorte que je n'avais pas la tête à remarquer un secrétaire. D'ailleurs, de toute façon, M. Trefusis n'est pas quelqu'un qu'on remarque. Il est là, c'est tout ce qu'on peut en dire. Je l'ai constaté aussi, dit Poirot. Monsieur Tréfusis n'a pas une personnalité qui émerge, qui brille, qui vous frappe. Pour ça, non. Il n'est pas comme Victor, dit Lady Astwell. Je dirais que monsieur Victor Astwell, qu'il est explosif. Ah, voilà un qualificatif splendide pour Victor. Il explose à travers toute la maison, comme un feu d'artifice, dit Lady Astwell. J'imagine qu'il a un caractère plutôt vif, dit Poirot. Oh, quand on l'excite, c'est un vrai diable. Mais je n'ai pas peur de lui, Dieu merci. Plus de bruit que de mal. Voilà Victor. Poirot regardait le plafond. Et vous ne pouvez rien me dire qui vous ait frappé ce soir-là, à propos de ce secrétaire. Mais, je vous le répète, monsieur Poirot, je le sais, c'est de l'intuition. L'intuition d'une femme. Ne ferait peut-être pas prendre un homme, enchaîna Poirot. Mais ce qui est plus grave ne l'empêchera pas d'être pendu. Lady Astwell, puisque vous croyez sincèrement que M. Leverson est innocent et que vos soupçons concernant M. Tréfusis sont fondés, consentirez-vous à faire une expérience ? Quel genre d'expérience ? Demanda Lady Astwell avec méfiance. Accepteriez-vous d'être mise en état d'hypnose ? Pourquoi, grand Dieu ? Poirot se rapprocha d'elle. Si je vous disais, madame, qu'à la base de votre intuition, il y a des faits inconsciemment enregistrés par votre esprit, vous seriez probablement sceptique. Aussi, je vous dis simplement que l'expérience que je vous propose peut avoir une importance capitale pour cet infortuné jeune homme qu'est M. Charles Leverson. Vous ne refuserez pas ? Qui m'endormirait ? Vous ? Un de mes amis, madame, qui, si je ne me trompe, arrive à l'instant même. J'entends l'auto s'arrêter devant le perron. Qui est-ce ? Le docteur Cazalet, d'Harley Street. Et c'est quelqu'un de sûr ? Ce n'est pas un charlatan, si c'est là ce que vous voulez dire, madame. Vous pouvez vous mettre entre ses mains en toute sécurité. Bon, dit Lady Astwell en soupirant, je crois que tout ça n'est que de la blague. Essayez, pourtant, si vous le voulez. Il ne sera pas dit que je vous ai empêché de faire tout ce qu'il fallait. Merci mille fois, madame. Poirot sortit précipitamment du boudoir et revint un instant après, accompagné d'un petit homme qui portait des lunettes et dont la figure ronde et l'air jovial répondaient peu à l'idée que Lady Astwell se faisait d'un hypnotiseur. Poirot fit des présentations. « Alors, dit Lady Astwell avec bonne humeur, comment ça commence, votre farce ?»« C'est très simple, Lady Astwell. Tout ce qu'il y a de plus simple, dit le petit docteur. Appuyez-vous bien, prenez une position confortable, comme ça, voilà, très bien. » Ne vous tourmentez pas. Je ne me tourmente pas le moins du monde. J'aimerais voir quelqu'un qui m'hypnotiserait contre mon gré. Le docteur Cazalet eut un large sourire. Bien sûr, mais puisque vous êtes consentante, ce ne sera pas contre votre gré, dit-il gaiement. Voilà, très bien. Éteignez la lumière centrale, s'il vous plaît, monsieur Poirot. Laissez-vous gagner par le sommeil, Lady Astwell. Et il changea légèrement de place. Il se fait tard. Vous avez sommeil, très sommeil. Vos paupières s'alourdissent, elles se ferment. Vous dormirez bientôt. Sa voix était comme un ronronnement monotone, doux, apaisant. Bientôt, il se pencha et souleva très doucement la paupière droite de Lady Astwell. Puis, il se tourna vers Poirot avec un air satisfait. Ça va très bien, dit-il. Je commence, s'il vous plaît. Le docteur se mit à parler très nettement, avec autorité. Vous dormez, Lady Astwell, mais vous m'entendez, n'est-ce pas ? Vous pouvez répondre à mes questions. Sans faire un mouvement, elle répondit d'une voix basse et monotone. Je vous entends. Je peux répondre à vos questions. Lady Astwell, je désire que vous reveniez à cette soirée pendant laquelle votre mari a été assassiné. Vous vous souvenez de cette soirée ? Oui. Le corps étendu s'agita un peu nerveusement. Vous êtes à table pendant le dîner. Décrivez-moi ce que vous voyez, ce que vous éprouvez. Je suis très misérable, je suis inquiète, inquiète de Lily. Nous savons cela. Dites-nous ce que vous voyez. Victor mange toutes les amandes salées, il est très gourmand. Demain, je dirai à personne de ne pas mettre l'assiette de son côté. Continuez, Lady Astwell. Robin est de très mauvaise humeur ce soir. Je ne crois pas que ce soit à cause de Lily. C'est une chose relative à ses affaires qui le tourmente. Victor le regarde d'une drôle de façon. Parlez-nous de Monsieur Trefusis, Lady Astwell. Sa manchette de gauche est effilochée. Il s'enduit la tête de cosmétiques. Je voudrais bien que les hommes perdent cette habitude. C'est la mort des housses de fauteuil. Et maintenant, madame, dit Cazalet, après avoir regardé Poirot, le dîner est terminé. Vous prenez le café. Décrivez-moi la scène. Le café est bon ce soir. Il n'est jamais pareil deux jours de suite. On ne peut pas avoir confiance en cette cuisinière pour le café. Lily regarde tout le temps par la fenêtre. Je me demande pourquoi. Maintenant, Ruben entre au salon. Il est dans une de ses pires crises et couvre ce malheureux Trefusis d'injures. Trefusis tient à la main le coupe-papier, le gros, qui a une lame effilée, comme un couteau à découper. Faut-il qu'il le serre ? Les jointures de ses doigts sont complètement blanches. Il l'a enfoncé dans le bois de la table avec une force telle que la pointe a cassé. Il le tient exactement comme un poignard qu'on veut plonger dans le dos de quelqu'un. Bon, ils sont sortis ensemble maintenant. Lily a mis sa robe du soir en mousseline de soie verte. Elle est ravissante en vert. Elle a l'air d'un lys. Il faut que je fasse laver les housses de fauteuil la semaine prochaine. Une minute, Lady Astwell. Cazalet se tourna de nouveau vers Poirot. Je crois que nous y sommes, dit-il tout bas. La scène avec le coupe-papier. C'est ça qui l'a convaincu de la culpabilité du secrétaire. Passons maintenant à la salle de la tour. Le docteur recommença à interroger Lady Astwell de la même voix, claire et autoritaire. Il est un peu plus tard. Vous êtes dans la salle de la tour avec votre mari. Vous vous disputez violemment tous les deux, n'est-ce pas ? Elle fit un léger mouvement nerveux. Violemment, oui. Horriblement. Nous nous disons des choses affreuses l'un à l'autre. N'y pensez plus maintenant. Vous voyez nettement la pièce ? Les rideaux sont tirés ? Les lampes allumées ? Pas le plafonnier, la lampe du bureau seulement. Vous quittez votre mari, vous lui dites bonsoir. Non, j'étais trop en colère. C'est la dernière fois que vous le voyez. Il va être assassiné bientôt. Savez-vous qui l'a assassiné, Lady Astwell ? Oui, Monsieur Trefusis. Pourquoi dites-vous cela ? À cause de la bosse que faisait le rideau. Le rideau faisait une bosse ? Oui. Vous l'avez vu ? Oui. Je l'ai presque touché. Y avait-il un homme caché derrière Monsieur Trefusis ? Oui. Comment le savez-vous ? Pour la première fois, elle hésita. On la sentait moins sûre. À cause du coupe-papier. Poirot et Cazalet échangèrent un coup d'œil. Je ne vous comprends pas, Lady Astwell. Vous dites que le rideau faisait une bosse, qu'il y avait quelqu'un caché derrière. Vous n'avez pas vu cette personne ? Non. Vous avez cru que c'était Monsieur Trefusis à cause de sa façon de manier le coupe-papier après le dîner ? Oui. Mais je croyais que Monsieur Trefusis était allé se coucher. Oui, oui, c'est vrai. Il était monté dans sa chambre. Il ne pouvait donc pas être derrière le rideau dans l'embrasure de la fenêtre. Non, bien sûr, il n'était pas là. Il avait dit bonsoir à votre mari avant ça, n'est-ce pas ? Oui. Et vous ne l'avez pas revu ? Non. Elle commençait à s'agiter, à se retourner en gémissant. Elle se réveille, dit le docteur. Je crois que nous n'en saurons pas davantage. Poirot fit un signe affirmatif. Le docteur se pencha sur Lady Astwell. Vous vous réveillez, dit-il très doucement. Vous vous réveillez maintenant. Dans une minute, vous ouvrirez les yeux. Les deux hommes attendirent un instant. Lady Astwell s'assit et les regarda l'un après l'autre. Est-ce que j'ai dormi ? Mais oui, Lady Astwell. Vous avez fait un petit somme, dit le docteur Cazalet. Elle le regarda. C'est un de vos trucs, hein ? Vous ne vous sentez pas plus mal pour autant, j'espère. Je me sens fatiguée, fourbue. Le médecin se leva. Je vais dire qu'on vous apporte un peu de café, et pour le moment, nous allons vous laisser, dit-il. Ai-je parlé ? Leur cria-t-elle comme ils ouvraient la porte. Vous n'avez rien dit de bien important, madame. Vous trouvez, paraît-il, que les housses des fauteuils de votre salon doivent être nettoyées. Et c'est bien vrai ? Vous n'aviez pas besoin de m'hypnotiser pour me faire raconter ça, dit-elle en riant. Et quoi encore ? Vous souvenez-vous d'avoir vu Monsieur Tréfousis jouer avec un coup de papier dans le salon ? Franchement, je n'en sais rien. Il l'a peut-être fait. Un rideau qui fait une bosse vous dit quelque chose ? Lady Astwell fronça les sourcils. Il me semble... J'ai un vague souvenir, dit-elle en hésitant. Non, je ne sais plus. Et pourtant... Ne vous en inquiétez pas, Lady Astwell, dit vivement Poirot. Ça n'a pas d'importance. Absolument pas. Le docteur Cazalet accompagna Poirot dans sa chambre. Eh bien, dit-il, il me semble que nous avons l'explication de pas mal de choses. Il n'est pas douteux que, pendant que Sir Reuben engueulait son secrétaire, celui-ci se vengeait sur le coup de papier et devait faire un singulier effort sur lui-même pour ne pas répondre. Quant à Lady Astwell, la partie consciente de son esprit était entièrement absorbée par le problème de Lily Margrave, pendant que le subconscient enregistrait un acte et l'interprétait de travers. C'est de là que vient sa conviction inébranlable que Tréfousis a assassiné son pari. Nous en venons maintenant au rideau, qui faisait une bosse. C'est fort intéressant. D'après ce que vous m'avez dit, je vois la table à écrire exactement dans l'axe de la fenêtre. Il y a naturellement des rideaux devant cette fenêtre. Oui, des rideaux de velours noir. Et l'embrasure est assez profonde pour qu'une personne puisse y demeurer cachée pendant un certain temps. Je crois qu'il y aurait juste la place. Il serait donc possible que quelqu'un fût caché dans la pièce. Mais dans ce cas, ça ne peut pas être le secrétaire, puisque tous les deux l'ont vu sortir pour aller se coucher. Ça ne peut pas être Victor Astwell, Tréfousis l'a rencontré, qui sortait de la salle de la tour, et ça ne peut pas être Lily Margrave. Quelle que soit la personne, elle devait être cachée là avant que Sir Reuben n'entre dans son sanctuaire, pendant que les autres étaient au salon. Vous m'expliquez les choses de façon assez précise. Et le capitaine Naylor, ne pourrait-il pas être caché là ? C'est toujours possible, déclara Poirot. Il a certainement dîné à son hôtel, mais le moment où il est sorti est assez difficile à déterminer. Il est rentré vers minuit et demi. Ça pourrait donc être lui, l'assassin, dit le médecin. Il avait un motif et une arme à sa portée. Cette idée n'a pas l'air de vous séduire. Non, je pense à autre chose, avoua Poirot. Dites-moi, docteur, a supposé pendant 2 secondes que Lady Astwell, elle-même, ait connu le crime. Serait-elle forcément trahie pendant son sommeil hypnotique ? Lady Astwell serait la coupable ? Ce n'est pas impossible, bien sûr. Ça ne m'était pas venu à l'esprit. Elle est restée la dernière avec Sir Reuben et ensuite personne ne l'a vue vivant. Quant à votre question, je tendrai à répondre non. Elle ne se serait abandonnée au sommeil hypnotique que bien résolue à ne rien dire de la part qu'elle aurait prise personnellement à l'assassinat. Elle aurait répondu franchement à mes questions, mais aurait observé un mutisme absolu sur ce seul point. Pourtant, je ne crois pas qu'elle aurait été catégorique sur la culpabilité de M. Tréfousis. Je comprends, dit Poirot. Je ne vous ai pas dit que je croyais Lady Astwell fût coupable. C'est une possibilité, voilà tout. L'affaire est intéressante, dit le docteur après un instant de réflexion. En admettant tant de suspects possibles, Humphrey Lenore, Lady Astwell et même Lily Margrave, il y en a un autre que vous oubliez, c'est Victor Astwell. D'après sa propre version des faits, il est resté dans sa chambre, la porte ouverte, pour attendre le retour de Charles Leverson. Mais nous n'avons que sa parole sur ce point. C'est la grande gueule, le type dont vous m'avez parlé, demanda Cazalet. Oui. Le docteur se leva. Il est temps que je rentre à Londres. Vous me direz quelle tournure prennent les événements. Et c'est ici que se termine notre chapitre 12. Je vous donne rendez-vous demain pour notre dernier chapitre de Christmas Pudding, le chapitre 13. Bonne soirée. La lecture du soir sur la radio des bons coups. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona et Louison. Thank you. Bonsoir les abos. Vous êtes de retour sur les lectures nocturnes de Radio Boncon pour le chapitre 12, et ça me fait bien plaisir. Dans l'épisode précédent, après s'être pécho encore une fois, Messi et Alex ont décidé de dîner ensemble, et ils se sont fait gauler en plein roulage de pelle dans la cuisine par le petit Cory. C'est dans cette situation embarrassante qu'on les a laissés hier, et on s'empresse de les retrouver. Cory, depuis la porte, les observait d'un air curieux. Alex et Messi se séparèrent rapidement, comme deux enfants pris en faute. « Je remercie ta mère pour le dîner, » bafouilla Alex en se raclant la gorge. « Et c'est pour ça que tu l'embrassais ? C'est dégoûtant. J'espère que je serai pas obligé de faire ça quand je serai grand. »« Il se pourrait bien que tu changes d'avis dans quelques années, » dit Messi, souriant malgré sa gêne. « Tu voulais quelque chose, mon ange ?» Il est 19h30. 19h30 ? Ah oui, bien sûr, l'heure de ton bain. Alex, tu veux bien terminer la vaisselle pendant que je prépare le petit bonhomme ? Je pense que je peux gérer la situation sans problème, répondit Alex, affectant le plus grand sérieux. Messi conduisit son fils dans la salle de bain. Ensuite, assise sur le tabouret, elle le regarda mimer un combat naval avec ses bateaux, créant des effets sonores surprenants. Jouer à la guerre était-il une activité innée chez tous les enfants de sexe masculin ? Une fois sa tâche terminée, Alex flâna dans le séjour. Bien qu'ayant hésité quelques secondes, il avait décidé de ne pas se rendre dans la salle de bain. Il était le père de Cory, certes, mais il pressentait qu'il devait entrer progressivement dans la vie de l'enfant, attendre que ce dernier soit prêt à l'accepter comme son père. Intéressé par un groupe de photos exposées sur le manteau de la cheminée en briques, il détaillait le dernier cliché quand Messi entra dans la pièce. Il reposa promptement le cadre, comme s'il avait été surpris en flagrant délit d'indiscrétion. Cela ne fait rien, les photos sont là pour être regardées. C'est dommage que tu n'aies pas pu voir Cory pendant toutes ces années. Je m'en rends compte maintenant, dit-elle doucement. Maman, appela Cory. J'arrive. Il est prêt pour son histoire. J'ai pensé que tu aimerais peut-être t'en occuper pendant que je range la vaisselle. Bien sûr, s'exclama Alex ravi. Va vite lire quelque chose à ton fils, murmura Messi ému. Alex se dirigea vers la chambre de Cory quand il réalisa que, pour la première fois, la jeune femme avait fait référence à Cory comme à son fils à lui. Son rêve de construire une vie avec Messi et Cory n'était peut-être pas un rêve si insensé après tout. Lorsqu'elle eut fini de tout ranger dans la cuisine, Messi se dirigea sur la pointe des pieds vers la chambre de Cory. Alex avait fini de lire l'histoire que l'enfant avait choisie, et il le bordait maladroitement. Il s'apprêtait à partir, mais Cory le tira par la main. « Attends, faut que tu écoutes mes prières !» En souriant, Alex se rassit au bord du lit. Tout semblait petit dans la chambre lorsqu'il s'y trouvait. Et que Dieu bénisse maman et Alex et grand-mère et... Cory n'avait pas dit oncle avant Alex, pensa Messi. Cela était-il significatif ? Le petit garçon avait-il compris quelque chose tout à l'heure, en les voyant s'embrasser dans la cuisine ? Amen, conclut Cory, réprimant un bâillement. Puis il roula sur le côté et s'endormit aussitôt. Amen, répéta Alex d'une voix rauque. Il resta quelques instants immobile, à regarder Cory avec une expression où se mêlaient la crainte et l'étonnement. « Tu as vraiment fait du bon travail avec notre fils, » murmura-t-il avec une infinie tendresse, avant de se redresser. « Merci. »« Viens dans le séjour, » proposa-t-il en éteignant la lampe. « Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Il alla prendre le paquet sur la table et s'installa sur le canapé, près de la jeune femme. « Que contient cette enveloppe, Alex ?»« Alex, tu sais, j'ai mis du temps à répondre à ce nom-là. On m'a appelé Bloch pendant si longtemps. Mais maintenant, je pense que je commence à aimer, Alex. Surtout quand c'est toi qui le dis. » Il plongea la main dans l'enveloppe et Messi se raidit instinctivement. S'agissait-il de documents du tribunal ? Alex avait des droits sur Cory. Était-il venu pour les faire valoir ? « Je sais ce qui est arrivé à ton père. » Une nouvelle tornade dévastant le salon n'aurait pas eu plus d'effet sur la jeune femme. Elle demeura pendant de longues secondes sans réaction, comme assommée par ce qu'elle venait d'entendre. Enfin, elle se leva, sans même se rendre compte que ses jambes tremblaient. « Tu as trouvé ce qui est arrivé à papa ? C'est... De quel droit t'es-tu mêlée de ma vie ?» Surpris de la réaction de Messi, Alex, embarrassé, tira les documents de l'enveloppe cartonnée. « Je me suis peut-être trompée. » mais il m'a semblé que tes doutes sur l'amour de ton père et ta colère envers lui ont influé sur tout ce que tu as fait dans ta vie. J'ai pensé que s'il existait une bonne raison pour que Corny ne soit pas revenu, cela changerait peut-être l'idée que tu as de lui. Des hommes en général, et surtout de toi-même. La jeune femme laissa échapper un long soupir. Et tu penses que cela peut marcher? Oui, je le pense. Tiens, lis. Vaincue par la curiosité, elle oublia sa colère et prit les documents d'une main tremblante. Ensuite, elle inspira profondément et lut la première page, puis la suivante encore. Il est mort? S'écria-t-elle incrédule. Il ne nous a pas abandonnés alors? Il avait bien l'intention de revenir nous chercher? Un pâle sourire naquit sur ses lèvres et ses yeux s'embuèrent. Il ne nous a pas abandonnés, répéta-t-elle comme si elle voulait s'imprégner de cette vérité et chasser des années de colère et de souffrance. Alex reprit les documents et les posa sur la table basse. Puis il prit les mains de Messie dans les siennes. Il ne voulait pas te laisser, toi et ta famille. Mais il venait à peine d'arriver à Détroit quand il a été tué dans l'incendie de la pension de famille où il vivait. Il n'avait pas encore de travail et il venait juste de trouver un logement. Ses papiers ont brûlé dans l'incendie. Personne là-bas ne savait comment joindre sa famille. Il berça doucement Messie contre son épaule. Il serait revenu, murmura-t-elle. Elle se leva brusquement et vacilla. Alex la saisit par le coude pour l'aider à reprendre son équilibre. « Ça va ? » s'inquiéta-t-il. Elle eut un sourire tremblant et se mit à pleurer. « Oui, ça va. » Alex, désemparé, essuya du pouce les larmes qui coulaient sur sa joue soyeuse. Puis, cédant à l'émotion, la jeune femme se mit à sangloter, s'agrippant à la chemise d'Alex. Tout ce qu'il pouvait faire pour la consoler, c'était de la tenir blottie contre son épaule. Glissant les doigts dans ses épais cheveux, il ôta une par une les épingles qui retenaient son chignon serré. Puis, s'inclinant, il respira le doux parfum fruité de son shampoing. « Ça va aller, » murmura-t-il. « Pleure. Laisse sortir tout ça. C'est le seul moyen pour pouvoir vraiment faire ton deuil. » Enfin, les sanglots de Messie s'espacèrent. Serrée dans les bras puissants d'Alex, la jeune femme s'apaisa peu à peu. « Je pourrais passer toute ma vie avec toi, comme cela. »« Excuse-moi, j'ai vraiment abîmé ta chemise, » dit-elle en souriant à travers ses larmes, tentant vainement d'aplanir les plis. La large main d'Alex épousa sa joue. « C'est sans importance. J'en ai d'autres. Viens. » Sans attendre la réponse, il la prit par la main et la força à s'asseoir avec lui sur le canapé. Doucement, il lui caressa le dos comme s'il consolait un enfant. « Je me sens en sécurité avec toi, » murmura-t-elle. D'une pression sous le menton, Alex lui fit lever la tête et leurs lèvres se joignirent. Une nouvelle fois, la jeune femme sentit le désir la submerger. Chaque fois qu'il l'embrassait, c'était un choc merveilleux et toujours plus intense. Quand il voulut s'arrêter, elle le retint. Il approfondit son baiser et elle se pressa contre lui, épousant de son propre corps chaque courbe du corps d'Alex, ne laissant aucun espace libre entre eux, corps contre corps. Elle aurait voulu entrer en lui et y rester blottie indéfiniment. Soudain, elle s'écarta. Les baisers ne lui suffisaient plus. « Emmène-moi dans la chambre. » Il la souleva doucement et sans effort, comme s'il avait porté Cory. Elle semblait si fragile, si délicate, si légère dans ses bras. « Si tu ne me fais pas l'amour maintenant, Alexander Blocker, ce soir, tout de suite, je vais t'exploser. » Alex éclata de rire. « Il faut absolument empêcher cela, » répondit-il en empruntant le couloir. Alex ne se souvenait pas avoir éprouvé un plaisir aussi intense. Il était allongé, Messie blotti contre lui au milieu des draps froissés, leur cœur battant à l'unisson, et il caressait ses cheveux. Messie laissa échapper un soupir de bien-être et s'étira comme un chat entre ses bras. « Je pourrais rester là pour toujours, » murmura-t-elle. « Ne me laisse jamais partir. » Il déposa un baiser sur ses cheveux. « Mais je n'ai pas l'intention de te quitter, » murmura-t-il. Soudain, le téléphone posé sur la table de chevet sonna. « Oh non, pas maintenant, » protesta-t-il. « Laisse le répondeur prendre l'appel. Ce n'est peut-être pas important. » Le répondeur placé dans le séjour tout proche récita son message et ils écoutèrent, retenant leur respiration. C'était l'entreprise de surveillance qui lui signalait que le système d'alarme du dispensaire venait de se déclencher. Laissant échapper un soupir d'agacement, Messi se dégagea, décrocha le récepteur et écouta quelques instants. « J'y vais », dit-elle à son interlocuteur avant de raccrocher. « Ce n'est sûrement rien, mais il faut que j'aille couper l'alarme », ajouta-t-elle à l'intention d'Alex. Rassemblant ses vêtements éparpillés sur la moquette, elle s'habilla rapidement. Après avoir réuni en hâte ses cheveux en un chignon improvisé, elle saisit son sac et, la main sur la poignée de la porte, se retourna vers Alex et inclina la tête d'un air enjôleur. « Je reviens tout de suite. » « Attends, je viens avec toi, je peux t'être utile. »« Non, reste ici avec Cory. Dans une demi-heure, je serai de retour. » Voilà, c'est ainsi que se termine notre avant-dernier chapitre. On se retrouve demain pour la fin de l'histoire avec l'épilogue et tout le toutim. En attendant, préparez-vous émotionnellement à faire vos adieux à nos deux amants sulfureux. Les gros pissous. La lecture du soir sur la radio des bons coups. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona et Louison. Toute l'équipe de la radio des bons coups vous souhaite une bonne nuit à l'écoute de ces programmes.